Ne joue pas aux soldats, mon cher petit bonhomme. Les sabres et les fusils ne sont pas des jouets. Plus tard tu en auras, quand tu seras un homme. Je ne veux pas voir ces choses entre tes doigts fuir. Ces joujoux, la vois-tu, rappellent trop la guerre. Les chagrins et les deuils que l'on voit d'ici-bas, ils ont trop fait pleurer le cœur des pauvres mères dont les enfants sont morts en jouant aux soldats. Faut-il que des parents n'aient rien dans les ménages les soirs de carnaval pour déguiser encore leurs enfants en poilus comme des petits singes qui seraient habillés dans la veste d'amour, la cape militaire et le dernier emblème, le linceul dans lequel vos fils dorment là-bas. Au moins respectez-les les soirs de carnaval. Et ne déguisez pas vos enfants en soldats. Rappelle trop la guerre, les chagrins et les deuils que l'on voit ici-bas. Ils ont trop fait pleurer le cœur de pauvres mères dont les enfants sont morts en jouant aux soldats.